L'émission Girondin Analyse, c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 FM et sur girondin33.com. Essayer de s'infiltrer et démobiliser Jean-Pierre Papin pour ce premier but. Avec ce ballon et cette reprise peut-être de Johan Mikou, la frappe et c'est but. Chalmé, ce sera pour Cavani. Avec Gourcuff, oh, deux fois. Allez, on est de retour dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h avec toujours nos invités du soir, messieurs Julien B, Laurent Brun et Gabi. Merci à vous, messieurs, de rester avec nous en deuxième heure. Oui, qu'est-ce qui se passe? Merci de nous supporter en deuxième heure. Oui, ah bah c'est un régal. On en parlait dehors, on en parlait pendant la pause. On pourrait faire, enfin moi je peux faire jusqu'à demain matin, à parler que de ça. Ça me va très bien, c'est pas un problème. Du coup, je suis embêté, je sais pas quoi faire. J'ai un peu peur qu'à 2h du matin ça dévie quand même, que les gens qui sont en studio. Ça... Juste non, il n'y a pas Eric Barrère, c'est bon. La bise, allez, Eric. On lui envoie un tweet, appel Eric. On a juste Cyprien de la Tribune Gold qui nous dit l'équipe de Jacques qui sera au match des Sardines. Ben normalement quasiment tous, même Adrien. Oui, peut-être. Voilà, donc quasiment tous et ouais, on est partant pour faire un rassemblement. Pas de problème, faut juste prévoir ça à l'avance, mais il n'y a pas de souci. C'est dans 3, c'est dans un mois. C'est ça. Oh, on est large. Et avant, il y a Monaco et boulot, on c'est attend. Le week-end avant mon anniversaire, donc tout le monde m'offre Monaco un cadeau. Monaco ou Marseille? Bah c'est bien. Soir, l'invincibilité. Merci. L'invincibilité, tu vas voir. Certi qui a fait un beau cadeau. Mais alors, messieurs, qui de Laurent ou de Gabi a vu Marseille s'imposer pour la dernière fois à l'Escure? Les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Non, ça pourrait être Gabi. C'est jamais arrivé, hein. Bah, c'est une en 77. Urbaine. Non, c'est une légende urbaine. Ou 78, urbaine, les gars. 78. Ou 78. Oui, 78. Ouais, nous étions absents, alors. Écoute, comment te dire, moi j'avais 3 ans. Donc, Julien, tu te souviens ou non? Mais j'étais pas né, moi, les gars. Dommage. Moi j'étais pas né non plus, c'est pour ça. Et non, moi j'ai pas vécu une défaite de Marseille. Eh. Donc ouais. peut-être Gabi, le dernier. Une défaite de Bordeaux, la République plutôt. Ne l'a pas vécu. Une défaite de Marseille. Enfin, une défaite de 78, il était né. Mais pas celle de 77. Ah, ça remonte. De Bordeaux face à Marseille. Ça remonte. Et moi, j'ai pas vécu. Et ouais, ça, c'est aussi, c'est quand même un truc. Bref, un jour, faudra qu'on un livre spécial. Faudra qu'on fasse un. Et oui, nous aussi, on va faire des bouquins. On va faire un film. On va faire des livres. Ah. Rendez-vous le 18 novembre. C'est le 18 novembre, Bordeaux-Marseille. CGB face à Marseille, le 18 novembre. Eh ben, on va. Ouais, ça serait bien, mais... Enfin, ça n'a pas été encore avec choisi. Julien sur les antennes. On accueille au téléphone. Alors, il va falloir que je coupe. Oh, mais t'embête pas, Marc, je vais couper mon micro. T'embête pas. On accueille avec nous au téléphone un auditeur un peu spécial, un auditeur qui nous appelle de loin. Bonsoir, monsieur. Ouais, pourquoi bonsoir, les gars? Il est 4h de l'après-midi. Vous... Alors, non, mais il n'y a que lui qui appelle dans cette radio. Ouais. Toujours lui. Vous êtes là, oui. Non, il y a Bobby Smith aussi. C'est le seul auditeur ou quoi? Non, il y a autre chose, des fois. Mais non, mais... Alors, je vous explique les enfants. Alors Eric, parler, mais non, alors parler. Eric Dagrand, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Bonsoir Eric. Eric. Oui, bonsoir Eric. Donc bonjour. je le redis. Salut tout le monde. Bon, il y a Laurent et Julien qui sont là. C'est ça. Alors, faut juste que j'explique une chose. Quand je parle, juste techniquement, quand vous entendez Eric dans le haut-parleur, moi mon micro est coupé. Là vous l'entendez pas s'il parle. Donc quand vous l'entendez, moi je peux pas parler. Donc allez-y, enchaînez à ma place. Merci. Salut Eric. Salut, ça fait longtemps. Laurent, pardon. Bon, Eric, on attendait une victoire des Girondins. Hier, mais finalement, là, c'est bien qu'on se parle par téléphone. Il y a un décalage ou pas de son? Tu nous entends bien ou comment ça se passe là? Ah, moi, je vous entends comme si vous Parfait. Étiez à Bergerac et. Est-ce que tu as entendu le vieux monsieur qui vient de te parler, Eric? De quoi, Eric, Laurent? Eric, on attendait une victoire des Girondins dimanche. Mais les gars, qu'as-tu fait? T'as pas su chauffer le stade, hein? Et si je pouvais avoir le pouvoir de changer le score des résultats, des matchs, vous doutez bien que je mettrais les 3-0 à chaque fois, surtout que j'ai pas une tendresse particulière pour tout ce qui touche à Nantes. Donc j'aurais préféré qu'on gagne. Match nul contre les Bretons. C'est non, mais ils sont pas Bretons, ils sont là. Il y en avait un avec un drapeau breton. Bon, on t'aime quand même. Mais ça, c'est la faute du speaker. L'ancien, il aurait fait mieux. Eric, c'est Julien, tu m'entends? Oui. Tu n'as pas reconnu la voix qui te parlait il y a quelques instants, donc. Mais bien sûr que si. C'est celui que j'ai salué quand nous étions ensemble à la présentation de votre livre. Bon, ça va. Et qui s'est défilé avant qu'il m'entende. C'est vrai. Tout à fait. C'est règlement. Alors en fait, à décharge, il anime aussi tout ce qui est sono et micro au niveau du Stade Bordelais. Donc il avait un match, c'est pour ça qu'il est parti. Voilà. D'accord. Non, mais je suis content qu'il soit là, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière avec vous, Gabi représente pour moi ce que toute une partie des Girondins, et surtout je trouve que cet homme, contre vents et marées, a toujours gardé ce même leitmotiv, c'est-à-dire celui de faire participer le public, qu'il y ait 10 000 personnes, qu'il y en ait 3 000 ou qu'il y en ait 40 000, son attitude était toujours la même. Et rien que pour ça, ça change de beaucoup qui ne pourraient se manifester que lorsqu'il y a du monde et qui seraient plus silencieux s'il n'y avait personne. Donc il faut saluer Gabi pour tout ce qu'il est et ce qu'il a été. Donc je ne parle pas qu'uniquement au passé, mais je parle dans sa globalité de ce garçon-là. Merci Eric. Merci. Eric, il faudra d'ailleurs qu'on parle, parce que tu nous oublies totalement au Virage Sud. Ça fait un an qu'on ne doit plus du tout t'entendre au Virage Sud. Mais vraiment, quand je dis qu'on ne t'entend plus, c'est que va peut-être falloir rallumer les haut-parleurs à un moment. Alors là, c'est quelque chose qui touche à quelque chose d'extrêmement sensible. Et hier après-midi, on a discuté par texto avec Laurent, qui effectivement me disait qu'aussi en tribune de presse, il n'entendait rien. Et comme je lui ai répondu, le gars qui est en technique, dont c'est le métier, et qui est plutôt un bon professionnel, ayant reçu des courriers, des mails de gens qui se plaignaient en technique du son, plutôt que de se faire engueuler, il préfère baisser et voire vraiment baisser, parce que les gens vont pas se plaindre que le son n'est pas assez fort, alors qu'ils l'auraient fait quand c'était l'inverse. Et je terminerai juste en disant qu'en plus, il répond aux injonctions de la direction du club, qui souhaite que la tribune de presse soit plutôt épargnée, peut-être de ma voix et de ce que ça peut générer comme. Ah, c'est pas ta voix, on en a parlé, c'est le volume, c'est vrai que c'était très fort, et c'est sûr que notamment en presse écrite, peut-être en radio, Julien peut peut-être en parler, c'est très difficile de se concentrer avec cette. Là par contre, en ce moment, ça fait du bien. Voilà, parce que la caisse de résonance est importante, mais c'est vrai, comme je te disais hier par SMS, c'est un peu dommage aussi de priver les gens, de ta voix en l'occurrence et des informations que tu distilles, parce qu'il y a aussi en tribune, à côté de la tribune de presse, des abonnés, tu le sais, en haut, donc. Mais j'entends bien Laurent, mais figure-toi que je préférerais que le son soit harmonieux pour que tout le monde ait la même puissance. Et comme le disait, je pense que c'est Marc, si j'ai reconnu sa voix, dans le Sud, il y a aussi une volonté du Sud d'être autonome au niveau du son et de ne pas être pollué, alors peut-être que le mot est fort, mais peut-être que certains le pensent, par les interventions qui sont les miennes. Mais le problème, c'est que j'ai pas la main là-dessus. Et il est évident que si je dois faire le parallèle entre ce stade et les autres où je suis ici pour les matchs de l'équipe de France, c'est le jour et la nuit. Mais si, moi, enfin, vous le savez tous, autant que vous êtes autour de la table, je ne suis qu'un employé, je ne suis que là pour satisfaire le desiderata de ceux qui m'emploient et par ricochet ceux qui sont dans le stade. Mais je ne peux pas, moi, au-delà de leur informer de ça, faire autre chose. S'ils décrètent que c'est mieux comme ça, je ne peux pas aller contre leur volonté. Ouais. D'ailleurs, on va te poser une petite question qui ne sort de ça. On va repartir sur le livre, puisque c'est de ça qu'on parle. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui sont partis en laissant un goût d'amertume très prononcé. On a parlé de Pauleta, on a parlé de Giresse. Tu as des souvenirs, toi, dans ce stade de départ de joueurs qui t'ont laissé un vieux goût au travers de la gorge? Alors, moi j'en ai plein parce que je suis plus vieux que vous tous. À part Gabi qui a même rencontré Louis XIV à l'époque. Mais Laurent aussi, non? Mais c'est vrai que j'ai le souvenir. Alors, tu parlais de Giresse et de Pauleta. Par exemple, j'ai deux photographie incroyable de ces deux joueurs. Gires qui, je rentre sur la pelouse, je me rappellerai, c'était après un Bordeaux-Lens, et c'était vers la fin de sa carrière au Girondin, et je me rappelle lui avoir demandé son brassard de capitaine, et il m'a dit non, je l'ai réservé, et puis bon, j'étais vraiment un gamin, donc j'étais plus dans l'admiration, et presque dans l'image de voir quelqu'un qui part et que je reverrai plus, donc ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis Paoletta, je me rappelle, j'étais dans le paddock, j'avais eu, je sais pas comment, je m'étais faufilé pour arriver jusqu'au paddock, au faufilé de bœuf, aurait dit Laurent, que je salue bien sûr, qui est à côté de vous, mais vraiment, quand j'ai vu Paoletta quitter ce stade après le Bordeaux-Lille, je sais pas si vous vous rappelez du dernier match de Paoletta, là aussi j'ai eu vraiment vraiment quelque chose. Les frères Vujovic aussi, je me rappelle du dernier match de Zlatko, ça m'avait fait aussi quelque chose. C'est vrai que j'avais ces joueurs-là, ils étaient pour moi quelque chose de d'impalpable, parce que j'avais pas de proximité comme je l'ai aujourd'hui ou comme je l'ai depuis quelques années dans le football en général. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du magnifié, de quelque chose du enfin, voyez, quelque chose d'intouchable. Donc oui, il y avait beaucoup d'émotions, mais pour vous dire quel joueur particulier, à part ceux que j'ai cités, je me rappelle pas quand Roche a quitté les Girondins, par exemple, je me rappelle pas quand Touré est parti, des joueurs qui ont marqué le club qui sont partis, comme vous tous, c'est-à-dire le tour d'honneur, les applaudissements, mais rien de plus. Mais Paoletta, ouais, je crois que Paoletta, ça m'a vraiment, vraiment touché, surtout pour partir dans ceux qui écrivent de droite à gauche, ça m'a un peu abîmé, quoi, voilà. Puis en plus, il y a le côté, quelque part, c'est notre trouvaille, quoi. Entre guillemets, Paoletta. Alors moi, je connaissais, parce que je suivais le football espagnol, je connaissais déjà, oui, ce joueur. Il était champion d'Espagne en titre quand il arrivait, voilà, avec la Corogne. Et donc je le suivais, il faisait banquette souvent, il y avait de sacrés joueurs aussi à la Corogne. On en parle dans son portrait dans le livre. Mais en plus, on s'est fait piquer notre trouvaille, quoi. Et ça rajoutait, c'est aussi à l'amertume et au boule dont parlait Julien tout à l'heure, quoi. Il disait, moi je l'ai mal vécu, il disait Julien. Et ben voilà, on s'est dit, en plus, il nous pique notre joueur, quoi. Et puis on parlait à la pause à travers le bout de joueurs avec des histoires extraordinaires, mais alors toute proportion gardée, parce que Paoletta n'a pas la dramaturgie, enfin, dans sa vie personnelle, mais un joueur de mémoire à Bordeaux et peut-être même en France, à part peut-être Zlatan, et encore je suis même pas sûr, mais un joueur qui arrive, quoi, la veille de son premier match, ou deux jours avant ou trois jours avant, qui fait un demi-entraînement, qui arrive à l'extérieur à Nantes sur une victoire 5-0 et qui font un triplé, c'est, enfin voilà, déjà rien que ça, il a marqué son entrée était fracassante, et ça aussi, ça a marqué beaucoup de gens, parce que c'est pas tous les jours que t'as un mec qui arrive, il fait un demi entraînement, il faut un triplé, t'es là, bon, et contre Nantes, et en plus tu l'es, et à la Beaujoire, oui, et à la Beaujoire. Et puis face Nantes à l'époque, qui était, si je dis pas de bêtises, le futur champion. Ouais. Futur champion. C'est la plus lourde défaite, ouais, hein, de l'histoire des Nantes. Je peux te livrer une anecdote. Mais je t'en prie. Qui nous a été compté par David Gemali, que je salue, que j'aime beaucoup. David Gemali, il questionnait à l'époque par ARL. Le 22 décembre 2016, il décrit le phénomène Paoletta. Il dit, on l'a côtoyé au quotidien dans le vestiaire. Il était inconnu quand il est arrivé. Je m'en souviendrai toujours. Il est arrivé le vendredi. On fait un entraînement à huis clos. Et le lendemain, on va à Nantes. Point de suspension. On ne le connaissait pas. On a fait une petite opposition. Je crois qu'il a mis 4 ou 5 buts à Ulrich Ramé. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Le lendemain, il met un triplé à la Beaujoire pour son premier match. C'est un buteur né, un gars qui a le sens du but dans n'importe quelle position, un peu à la David Trezeguet. Voilà. Il va participer un peu moins dans le jeu collectif, mais c'était 3 occasions de but. Voilà à peu près son ratio. Très impressionnant. Et l'être humain, le personnage magnifique. Un clown, mais un professionnel avant tout. Tout le temps en train de bosser, mais aussi de déconner avec Bruno Masto. Notamment, il faisait une paire de joyeux lurons. Voilà. Dans le porteur, on a d'ailleurs un supporter aussi qui raconte l'arrivée de Paoletta, qui dit je suis au fond du trou quand je sais qu'il va signer. On est avec mes parents, on regarde le match, on dit c'est quoi Paulette, quoi, franchement, quoi. Paulette qui arrive à Bordeaux, quoi. Ouais, et ben après le fameux supporter raconte qu'après il lui a fait fermer son caquet, déjà, quoi. Il a arrêté de dire Paulette, voilà. Il a dit pas. Ça se trouve le gars, c'est devenu son joueur préféré après. C'est devenu son joueur préféré. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Paoletta. Voilà pour les histoires. Les gars, je voudrais juste dire deux choses, parce qu'après, j'ai ma chérie qui me dit qu'elle aimerait bien aller voir le Statut de la Liberté, donc si on veut pas... Vous... Et dis-lui que tu la rejoins. Non, je voudrais juste dire deux choses. Ou déshabille-toi. Voilà, c'est la série de que d'ailleurs. Et la deuxième à Julien, parce que je sais qu'il vient ici au mois de décembre. Donc Julien, je t'ai trouvé deux, trois adresses sympas. Ah, merci. Pour que tu puisses te régaler. Donc, merci, Eric. Comment elles s'appellent, les demoiselles? Dis rien, Eric, dis rien. Je dis rien. Et, merci. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur le livre, parce que si c'est pour ça que je vous appelle, je voudrais vraiment dire un truc super important. On a parlé déjà beaucoup du premier. Ce que je voudrais dire sur le deuxième, j'en ai évoqué avec, je crois que c'est Marie de Sud-Ouest Édition, c'est que ce livre-là, alors là, forcément, vous êtes dans une émission de foot, donc il n'y a que des passionnés des Girondins qui écoutent, mais au-delà de ça, c'est vraiment un livre qu'on aime le foot, ça paraît évident, mais même si on n'aime pas le foot, c'est un cadeau qui est juste une encyclopédie de ce lieu, alors par le prisme du football et des Girondins, mais il y a tellement de choses à lire, tellement d'images qui vont nous faire du bien aux pupilles, que ce bouquin-là, que ce soit pour la Saint-Valentin, pour Noël ou pour le mariage du dernier, c'est juste un truc fabuleux. Et oui. Non, il y a ma femme qui nous dit pour la Saint-Valentin. Oui, toi aussi, tu auras ça pour la Saint-Valentin. C'est dans longtemps, la Saint-Valentin. Est-ce que je sais ce que c'est que la Saint-Valentin? Mais oui, regarde où t'es, j'aurais pu t'amener à Blaye. Mais non. Donc, tout ça. Elle s'appelle Valentin? Sérieusement. Pardon, ouais. Elle s'appelle Valentin? Non, mais... Ah, d'accord. Oui, c'est ça, les gars. Tout ça pour dire, non, mais vraiment, là, vraiment, je voudrais juste une seconde sérieuse, parce que si je prends le temps de vous appeler, c'est pour dire que, bon, vous savez ce que je pense de ces deux messieurs, mais. On le met à quel ordre le chèque? Ils ont vraiment été jusqu'au boutiste. De quoi? On le met à quel ordre le chèque? Non, mais vraiment. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils sont dans le livre, ils sont dans la vie. Et je voudrais pas trahir un secret, mais par exemple, pour cette présentation-là, il est évident que s'ils avaient besoin de moi, ils étaient même flattés que ce soit le cas. J'ai répondu présent. Ils ont quand même tenu à me faire des petits cadeaux auxquels vraiment il n'était pas nécessaire de penser, mais ils l'ont fait. Ça montre qu'ils ont vraiment une volonté d'être jusqu'au boutiste et exhaustif dans cette démarche de rendre cette œuvre-là comme finalement ce que je pense que le stade leur a donné. Voilà, je pense que c'est un juste retour des émotions qu'ils ont eues dans ce stade, et bien ça transparaît et ça transpire par le livre qu'ils ont écrit tous les deux. Et comme disait Thierry Roland après ça, on peut mourir tranquille. Merci. Merci Eric. Merci beaucoup Eric. Je t'embrasse. Parce que niveau monologue, t'es franchement pas mal quand même. Bah, vous êtes la même famille avec Laurent aussi alors. Non, mais c'est ce que je me disais en fait. Qu'est-ce qu'on fait chier à faire les émissions? Tu les invites tous les quatre avec Eric et puis c'est bon. Tu leur dis allez, les micros sont ouverts, on se revoit dans deux heures. Merci pour tout, Eric. Merci. Je vous embrasse. Juste pour vous faire aller quand même, demain je vais voir Jay-Z et samedi la NBA, d'accord? Ouais. Je vous embrasse. Ouais, vaut mieux voir Beyoncé. Hein. Enfin bon. Personnellement, tu ne me fais pas du tout, mais pas du tout rêver. Il y a Beyoncé. Je t'enverrai une vidéo sur ton téléphone. Eh, moi, je t'ai déjà demandé un autre numéro de téléphone plutôt qu'une vidéo de Jay-Z, donc j'ai rien à faire. Je vous embrasse, les gars. Merci. Ciao, Jay-Z James. Allez, profite bien. Bonne nuit à vous. Merci Eric. Merci beaucoup. Ciao. Avec plaisir. Hop là. C'est toujours plaisir d'avoir Eric, et alors là, pour le coup, en direct, je crois que c'est la première fois dans l'émission qu'on a un mec en direct des États-Unis. Ouais, c'était la première. Ah non, on n'avait pas eu, hein, qui nous écoutait les États-Unis, justement, ou qui avait l'habitude de nous écouter. Ouais, qui nous écoutait peut-être, mais qui nous appelait, c'est autre chose. Allez, on enchaîne, décidément. Eric, non, c'est qui? C'est. José. C'est. Ah, on accueille José au téléphone. José, bonsoir, Garcia. José. Bonsoir, José. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Comment ça va, José? Ben, très bien, nickel. Allez, non mais rallume le micro, mais oui c'est vrai parce que ouais ça peut bugger. Tu avais une question du coup pour José mon petit, voilà, de quoi tu voulais nous parler? Eh bien du match de hier soir. Eh ben vas-y. On avait prévu d'en parler. Vends-nous du rêve. Merci José, bonne soirée, à bientôt. Vends-nous du rêve. Mais Julien était chaud pour en parler apparemment, donc tu veux savoir où est passé l'argent de Gourcuff, c'est ça. Tu es à la bonne porte, tu as bien toqué. Vas-y, José, dis-nous ce que t'as pensé du match d'hier. Ben, moi, j'ai pensé que c'était quand même une belle prestation de l'équipe de Bordeaux. On a quand même fait un bon match. Mais le problème, c'est que ma question, On peut même faire des paris, je pense que personne ne trouvera qu'un C que Deprévy va marquer son premier but. Pour l'instant, je comprends pas comment il peut pas marquer le prochain adversaire. Tu parles avec Lille ou avec Reims? Comment? Non, rien. Il a fait une passe décisive, oui, Nicolas, ouais. Depréville. Ça fait deux fois de suite. C'est oui, pas... d'accord, mais bon, pour un attaquant, parce que moi, la semaine dernière, j'étais au Hayan, ouais. Et j'ai discuté avec Gaëtan Laborde, justement. Et Gaëtan Laborde disait que Depréville était un très très bon joueur, justement, et que notamment... Il n'allait pas te dire le contraire en même temps. Mais... C'est un joueur qui, voilà, qui Lille, on sait ce qu'il a fait. Moi, je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à marquer encore un but, alors que pourtant, il joue à son poste normal. Il fait des pas décisifs, d'accord, mais il marque pas. Donc c'est compliqué pour lui. Mais après, de toute façon, le match a été quand même assez intense des deux côtés. On prend un but juste avant la mi-temps, ce qui fait mal. Et puis en deuxième mi-temps, ben, heureusement qu'on a encore Malcolm qui c'est vraiment notre pépite. Je pense que comme il a dit, que si Bordeaux ne jouait pas l'Europe l'année prochaine ou la Ligue des Champions rigolant, je pense qu'on va le perdre. Mais après, de toute façon... je pense que Bordeaux, la dernière fois que je vous ai appelé, c'était pour le match de... Je crois que c'était Lyon, je crois. Ouais. Je sais plus. Non, c'était le match qu'on avait gagné à domicile. Je vais te poser une question. Je vais rentrer dans le plat, je vais mettre les deux pieds. Il t'énerve pas un petit peu, Malcolm? Parce que moi, personnellement, il m'agace. Alors, point de vue football, moi, il me fait rêver sur le terrain. Point de vue personnage, moi qui suis un supporter qui vais souvent voyant les voir, oui, tout à fait, ouais. Il fait trop... Je parle pas de l'homme, je parle sur le terrain, je parle du joueur de foot. Moi, j'en ai marre de le voir être exigeant au-delà du raisonnable avec ses coéquipiers, à croire que lui ne rate jamais rien. À un moment, il fait une passe toute pourrave à Lauragueur. Il y en a eu trois comme et ça. Et il en fout trois à la tronche à Lauragueur, alors que c'est lui qui est responsable. Voilà. Et il va falloir qu'il arrête de croire que c'est lui et lui seul qui va sauver l'équipe. C'est vrai, il marque, mais tous ses coups francs, alors que je pense qu'il y a quand même mieux à faire parce qu'il était très loin... Il les a tous ratés. Les corners sont pas très bien tirés. J'ai l'impression que depuis un mois, il y a le melon qui est en train de tellement grossir que ça va lui péter à la tronche. Ça correspond au maillot échangé à la mi-temps en plus avec le selfie derrière. Je veux dire, arrive un moment, il va falloir qu'on se remette dans le contexte que Malcolm est un très bon joueur qui permettra à Bordeaux de prendre beaucoup de points, que le jeu sera sûrement pas pareil avec lui, mais qu'il n'est pas le seul. Sans les autres, il ne fera jamais rien. Lui-même l'a dit d'ailleurs. Mais malheureusement, sans lui hier, on n'a rien, quoi. Ça fait peur, après, quoi. Sans lui hier, il n'y a rien. On n'a pas le même style de jeu. Déjà. Sans lui, on va peut-être pas jouer 80% de nos attaques sur Malcolm, parce qu'on ne joue que sur Malcolm, et excessivement sur Malcolm, et tout le temps sur Malcolm. Les choux qu'il a fait 140 montées, il a été servi une fois sur 10. Donc oui, mais on va jouer autrement sans Malcolm. Aujourd'hui, on a notre circuit préférentiel, moi, c'est Malcolm, Malcolm, Malcolm. Oui, quand lui il a le ballon, c'est Malcolm, Malcolm, Malcolm. J'ai pas de soucis, il va être très fois, bon. Il va faire beaucoup. Il veut toujours dribbler et rentrer dans le but. Voilà, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, point de vue sur le terrain. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il a un petit peu trop la grosse tête. Et qu'à mon avis... il se dit que pour lui, il y a plein de clubs derrière lui. Il s'en fout, il pourra jouer quoi qu'il arrive dans des gros clubs. Mais bon, si on enlève Malcolm, je pense pas qu'on ferait... je pense pas que sur le terrain, ça jouerait comme Malcolm. Je sais pas. Après, il faut essayer de le sortir. Mais bon, pour moi, Malcolm est un très très bon joueur. C'est comme si on disait à Paris, il faut essayer de sortir Neymar, quoi. C'est curieux. Et j'ai pas parlé quoi. De sortir le joueur non plus. Je peux juste rebondir sur... Bonsoir José. Sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit par rapport à Depréville, il joue à son poste. Ou alors j'ai mal compris. Je suis pas persuadé que Depréville joue à son poste au Girondin. Oui. Je pense qu'il est peut-être, il serait peut-être intéressant de le jauger. Dans ton sur... idée alors, hein. Parce que lui il le dit. Oui, moi je suis un ouais, neuf. Hein. Non mais moi je l'aurais fait signer pour jouer avant centre aussi, très sincèrement. Mais est-ce qu'il est pas mieux sur le côté? Et on l'a vu hier, il s'arrache, il donne Depréville. C'est sur le côté qu'elle. Enfin, c'est quand il se met sur le côté, c'est vrai qu'il fait la passe. Pourquoi on changerait pas? Pourquoi on mettrait pas Depréville sur le côté? Il s'est arraché, il a fait marquer le but comme ça, dans le chercher le ballon sur le côté. Mais parce que sur un côté t'as Camano, l'autre côté t'as Malcolm. Et à Reims, il a joué sur le côté. On n'est pas obligé de le faire jouer non plus. Camano, enfin moi Camano, je trouve que Wistani il a baissé, mais lui c'est pareil, il fait que dribbler et puis il faut qu'il rentre avec son petit crochet tout le temps. Alors ça passe un coup sur deux et il va toujours tenter un truc, il va vouloir dribbler comme Malcolm. Alors qu'il faut, je sais pas, après, ça sent c'est compliqué. Après, moi, je pense que contre Amiens, je pense qu'il va peut-être avoir le retour d'un joueur. Vous savez qui je pense, qui peut être joué, qui peut jouer, c'est Gaëtan Laborde, je pense. Oui, oui, Gaëtan. Même de toute façon, bientôt va, ils vont arriver les matchs de coupe. L'an dernier aussi, c'est les matchs de coupe qui l'a relancé. Il aura son rôle à jouer dans les matchs de coupe et il dit qu'il marche à l'affectif. Oui, forcément, il en aura besoin. Mais après, il faut pas forcément opposer Gaëtan Laborde et De Préville. Gaëtan Laborde, il faut déjà qu'il pense à passer. Oui, mais il faut qu'il passe à passer devant Mendy. Mais c'est un gars, il est dans le groupe, il a un comportement irréprochable. Il est mature, il est pas du tout grosse tête et à l'entraînement il se bat pour essayer d'avoir sa place, mais il a perdu. Mais à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui parlent, et puis notamment il est passé sur Gold FM la semaine dernière, et tout ce qu'on entend parler, qu'il peut peut-être partir cet hiver à Rennes en tant que joker, mais bon, moi j'y crois pas trop pour l'instant, je pense qu'il va continuer à se battre, il va rester. Mais de toute façon, il s'est passé quelque chose avec Gaëtan, je sais pas, dans sa vie privée ou dans le vestiaire ou quoi, parce que pour qui joue, c'est bizarre. Au-delà de évidemment, il y a certains cas individuels de certains joueurs, dont moi aussi, des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi on donne pas plus sa chance que ce soit à Gaëtan Laborde qu'à Mendy, pourquoi pas, enfin, et puis il est pas le seul, hein, on peut parler de Gaël. Forcé de constater quand même que Mendy en un quart d'heure s'est procuré plus de situations que De Préville en 60 minutes. Oui, mais après voilà, moi je pense aussi, je crois que c'est Laurent qui dit ça tout à l'heure, je pense que De Préville, malheureusement, on l'envoie, on le sacrifie au casse-pipe dans un rôle qui est pas du tout le sien, mais bon, après, c'est bon. Moi, il y a quand même les enfants, un truc depuis qu'on parle de ce match quand même, je me suis absenté 5 minutes, peut-être vous l'avez évoqué si c'est le cas, je m'en excuse, enfin je suis désolé, certes il y avait quand même de l'engagement, mais je suis désolé, moi je me suis depuis le début de saison, je me suis encore un petit peu emmerdé, excusez-moi de le dire. Costil est à Maroussanou là, Tata Roussanou, il sort une parade sur Cafu, Costil il sort une frappe cadrée et encore, et il n'y a rien eu. C'était un match, je vais ressortir les stats si vous voulez en termes de tirs cadrés et d'occasion. Il y a quand même heureusement qu'il y a une intensité dans les duels. Oui, c'est de l'intensité, heureusement qu'il y a une frappe déviée de Cavano pour 3 ou 4 minutes. Oui, oui, d'accord, mais ça veut dire mais chose, il a fallu une frappe déviée de Cavano qui frôle la lucarne pour qu'on s'enflamme. Oui, un peu, mais ça, les commentateurs de Bein résumaient bien le truc. Il y avait de l'intensité, il y avait les ingrédients, mais le problème c'est que le troisième contre le cinquième. Oui, mais c'est pas forcément obligé que ça soit Aura Football aussi. Sans parler de Aura Football, je parle au moins de vraies occasions concrètes, réelles. Mais tu peux avoir le 3-2. Des vraies actions construites aussi, oui, des vraies relances. Les Nantais, enfin, on en parlait avec Julien hier, avaient du mal à dégager les ballons, mais ils n'avaient pas de mal à relancer. Moi, j'étais assez surpris par leur capacité à jouer au sol, très vite dans les petits espaces. Gros pressing aussi. À 3, ouais. Voilà. Ah, t'as vu le milieu de terrain aussi, ils sont impressionnant. Avec 5 minutes, voilà, très bien organisé tactiquement. Costaud dans les duels, ça on le savait, on s'y attendait, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme dans ce match, beaucoup d'intensité. Hein. Les 10 dernières minutes, enfin je sais pas comment vous l'avez vécu, mais les 10 dernières minutes, on voit pas le jour. Mais chez nous, tout le monde est censé. Il y a un pénalty qui a pas été sifflé, alors qu'il y a fait non. Sur Malcolm, après l'arbitrage, on va revenir deux minutes après, dessus. T'as la balle de match aussi. T'as la balle de match, si Cafu, normalement, ça fait 2-1. Mais ça arrive, l'arbitre, il a été en dessous de tout. Franchement, il doit mettre le fusil, le gardien. Ouais, voilà. Cafu, il doit. Cafu ? Oui, Cafu. Non, pas de il doit le savater. Il peut la jouer en finesse aussi. Il est pas obligé de fusil. Il tape pas très fort. Il y a Mateta qui a la même contre Bernardoni samedi. Non, mais sort. Mais c'est exactement la même action, ça veut dire que. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'on Adrien regarde le Havre clairement, lui, tout seul, sans pression, toute impunité. Ben ouais, il peut plus voir les matchs de Telly et de Poco, alors du coup, le Poco complètement à jeun en plus, un truc de dingue, quoi. La véritable question sur ce match de Nantes, ouais, c'est est-ce que Jocelyn Gourvennec a pas perdu la bataille tactique face à Ranieri? Si, je pense que surtout sur la première Gourvennec, est-ce qu'il aurait pas dû changer son système en voyant ce milieu très fourni? Il a pas perdu le match quelque part. Oui, mais je pense que Ranieri s'est adapté finalement sur ce match-là, parce qu'il était privé de Salah devant au dernier moment, hein, c'était pas prévu. Il voulait mettre, je pense, au départ Nakulma et Salah, il a pas pu le faire. Donc au final, il met que Nakulma devant, il met un mur de 5 joueurs au milieu de terrain. Et là, Gourvennec aurait dû peut-être dire, bon, comme ils sont renforcés au milieu, on peut peut-être mettre un attaquant de plus avec De Préville et Mendy, tu vois. Et jouer en 4-4-2. Et il manquait, alors je vous l'avais pas entendu parce que j'ai pas été à mon micro, mais j'osais préciser, effectivement, il manquait Sabali. Du coup, Levchuk s'est retrouvé arrière droit, ça a peut-être aussi un petit peu déséquilibré. Il a tenté de faire des débordements, il a tenté quelque chose. Ouais, mais Sabali, quand il déborde, il est monstrueux. Après, la qualité de Levchouk n'est pas là. Levchouk, il dépanne. On sait très bien que la vitesse, c'est pas son fort. Et que les centres, il était là parce qu'il y avait personne d'autre. Hein. Gaïc était blessé. Il fallait bien mettre un mec. Je trouve qu'il s'est quand même pas trop mal démerdé. Alors, il y avait des gens au virage. Non, mais... Il y avait des gens derrière moi qui disaient ah, ben Levchouk, il est quand même pas rapide. Bah oui, évidemment. Levchouk, non, mais il ce est qui pas est rapide, il est défenseur aussi, central, madame. Il est puissant quand même. Ce qui est compliqué aussi, c'est de jouer avec. Puissant et rapide. Ce qui est compliqué aussi, c'est d'avoir une complémentarité sur ton côté. Ça veut dire qu'on a souvent noté le trio Sabali, les Rager et Malcolm, où t'as des déplacements et tout ça qui s'apprennent pas en un match. Malcolm a un jeu très spécifique qui, des fois, il rentre dans l'axe et c'est à toi de dédoubler, mais sur l'action d'avant, il peut être parti sur le côté et te fermer complètement le couloir. Donc, Sabali sait jouer avec Malcolm. Mais même les Raggers c'est jouer avec Malcolm, mais voilà, c'est des joueurs qui sont assez libres sur le terrain et qui alors, c'est pas facile de s'adapter. On pourra pas reprocher à Gourvenec ses changements, qui là pour le coup il fait trois changements entre guillemets offensifs puisqu'il fait rentrer Evan et Cafu. Parfois. On en parle souvent depuis deux ans, des fois de se dire est-ce que il traîne pas des fois un petit peu mais trop. Mais rendez-vous, c'était la même chose avec Sagnol aussi. Ouais, et Laurent Blanc aussi. Et Laurent, ouais, mais Laurent Blanc, c'était pire. Laurent Blanc, 76e, t'étais encore. Mais ça marche. Mais après ce match, on aurait pu le gagner. Voilà, c'est le résultat, c'est 1-1, mais on a les occasions. Mais où le gagner, c'est compliqué parce que Nantes, ils sont sur 5 victoires consécutives. Et Nantes, en ce moment, ils sont très très bien. Et Adrien, quand même, enlève, à part l'occasion de Cafu, explique-moi où. Tu peux gagner le match. Allô, t'as le penalty pas sifflé. Allez, okay. Et puis même t'as des. Ça fait pas lourd sur 90 minutes. T'as des actions dans la surface. Alors peut-être que ça faisait pas grosse occasion, mais t'as des situations. Me dis pas que t'as des occasions. Non, mais t'as des situations dans la surface. Déjà, t'incruster dans la surface et mettre une certaine pression en seconde mi-temps, alors, t'es beaucoup mieux. Je vais le tourner autrement. Est-ce que je suis le seul? Tu as plus de situations que les Nantais, en tout cas. C'est évident. Ah, clairement, c'est sûr. Voilà, mais est-ce que je suis le seul, alors, dans ce cas-là, à me dire pendant que je voyais le match, on pourra jouer jusqu'à demain matin 8h30, on marquera pas? Oui. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Non, je pense qu'on pouvait marquer. Pas sur ce match. Ah bah ok. C'est juste parce qu'on t'aime pas. Hein. non, mais parce que bon voilà, je me suis dit on peut jouer jusqu'à demain matin. Ils étaient très bien regroupés en bloc. Alors ça je leur enlève pas. Ça défend super bien. Chacun fait les efforts qu'il faut. Il y a pas. Enfin franchement pour ça ils sont carrés. Ranieri, je pense qu'il leur a amené ça justement un peu de rigueur tactique. Après c'est vrai que offensivement c'est quoi? C'est genre 9 matchs, 5 buts, un truc comme ça, ou 6 buts. Pourquoi il a pris les deux jeunes Verdon et Thomas, je sais plus comment il s'appelle là. Carrick, Thomas Carrick. Bah, pourquoi je pense qu'en cas de blessure. Michael Carrick. Genre. Alors qu'Olivier Verdon, ça peut être un joueur. Bah ouais, mais José, je pense qu'il prend Verdon parce que si Toulalan ou Jovanović. Il était en tribune ? Il était 19ème. Autant pour moi alors. Bah Carrick, oui, parce que si t'as un blessé pendant le match, bon, on sait jamais. Non, mais si t'as un blessé, t'as Levchouk, tu peux remettre dans l'axe. Tu peux repasser Levchouk dans l'axe. Il est blessé aussi. Et bien Carrick. Si tu vois, si t'as une blessure, bon. Je pense qu'il se dit si je perds tout l'allant, Jovanović. Sabali et Gaïc blessés, ça t'arrivera pas toute la saison d'avoir les deux blessés en même temps. C'est vrai que c'est quand même pas de chance, t'as doublé tous les postes et banque de peau, t'en as deux. On parlait de Levchouk comme un joueur qui est défenseur central, certes, c'est le cas, mais lui-même le dit, en Pologne, là où il a fait l'essentiel de sa carrière, il a déjà 32, je crois, Levchouk, donc il a une carrière derrière lui. Il a plus souvent joué latéral droit que défenseur central, donc le fait de le titulariser latéral droit, ça a pas dû lui faire peur au garçon, même s'il est pas très rapide. Il y a un truc aussi, c'est qu'il y a Maxime Pungé, il est gaucher, mais qu'est-ce qui empêche de jouer à droite? Nous on a joué en amateur, on a des prédispositions, mais bon, enfin moi je connais un peu le poste, j'ai joué de côté, j'ai pas été embêté, donc j'ose penser qu'au niveau professionnel on peut s'adapter aussi. Laurent, tu sais que vendredi j'ai fait la vanne quand on a fait nos compos avec Cyril et c'est toi qui t'es la marque, j'ai fait la vanne, j'ai fait mais et pourquoi le poste de Maxime Pungé, ça serait pas arrière droit? Tout le monde croit qu'il est arrière gauche, ce gars, mais ça se trouve, il est très bon arrière droit. Regarde Jallet à Nice. Jallet à Nice, à gauche, il s'en sort bien. Et même. Et pourquoi pas? En tant que latéral, moi aussi, j'ai un peu joué latéral. Mais non, mais. Non, mais c'est vrai. Comme André Poco, son idole. Non, mais c'est vrai. Alors, mais... excusez-moi, je sais de quoi se parle, j'ai joué arrière droit. Non, mais au bout d'un moment, j'ai dû jouer à gauche. Et à gauche. Comment ça s'appelle l'école le mercredi après-midi, le sport là? L'UNSS. Généralement, quand tu joues arrière latéral droite ou gauche, c'est-à-dire que t'es le plus mauvais et qu'on veut te faire jouer au foot, tu devais jouer une mi-temps, je pense, toi. Non, non, c'est pas vrai, j'ai joué tout le match. Ça, c'est valable en poussin ou en 8. Après, je jouais tout. Après, non. Après, j'étais blessé. Mais j'étais à boîte à tacles. Je taclais tout le temps. Comme j'étais à chaque fois en retard, je taclais. Et c'était des tacles. On va peut-être arrêter de parler de la carrière d'Adrien. pour revenir à ce que tu disais, Bordeaux, pour moi, peut pas passer en 4-4-2. Ou alors pourquoi ça tu... Pendant un match. Possible. Alors, si on part du principe que je reste avec Malcolm et Camano sur les côtés, pour moi, tu joueras pas en 4-4-2, je joue en 4-2-4. Parce que ces deux joueurs sont pour moi pas des milieux, mais sont des ailiers. Et pour moi, le poste de milieu droit importe être vachement plus équilibré dans ton. Ça dépend, attaques. Ça peut peut-être les libérer, ouais, peut-être un peu plus dézonné. Parce que Malcolm il peut dézonner et peut-être ça ferait si énormément de bien à Camano un peu de lui dire dézonne parce que mon gars, t'es trop collé. Si tu mets Malcolm milieu droit et qu'en plus il dézonne. Mais les Schwook, il est 4, tout 5, seul. Et voilà, et dans ton 4-4-2, Malcolm jouerait en attaque avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça serait dans les deux. Problème, oui, mais mon problème, aussi. C'est que je n'ai pas dans mon effectif un seul milieu droit et un seul milieu gauche. Je veux dire, le dernier milieu. Cafu peut jouer des deux côtés. Le seul bien milieu gauche. Mais non, mais Cafu, c'est comme Camano, c'est des ailiers. Le seul milieu gauche qu'on a eu depuis. Camano, à Bastia, il jouait plus souvent à droite. Et avant, c'était Wendell. Pour moi, je suis dit, dans notre effectif, on n'a pas ces joueurs-là. Donc, si on veut jouer aussi offensif. Il y a Matheus Pereira aussi qui est milieu droit. Oui, mais Matheus Pereira, tu l'as pas vu faire un match. Donc et en plus, il est milieu relayeur. Ce serait l'occasion. Donc, il est milieu relayeur en plus. Donc, là, sur ce match-là, tactiquement, il fallait tenter quelque chose. Je pense que si tu passes réellement à 4 au milieu, il te faut vraiment des joueurs. Pour moi, on aurait plutôt été un petit peu comme ce qu'on a vu l'année dernière. Tu peux même passer les ragueurs. Oui. Ouais, mais tu vas devoir mettre le ragueur sur un côté. Alors tu vas me dire, tu aurais même eu Vada. Même Vada peut jouer sur un côté. Tu vas avoir le problème qu'il va te manquer quelqu'un à gauche. Et au final, tu n'auras aucun spécialiste de ce poste-là. Sur un milieu à 5, je pense que ton milieu le plus résistant pour résister à ce milieu à 5, c'était Marc, ce milieu à 3. Tu vas trop loin dans ton explication. Là, en l'occurrence, on ne te demande pas de jouer en 4-4-2 tout le temps. On te demande sur un one shot, sur un match où tu dois tactiquement t'adapter à ton adversaire. Je pense que ça aurait été une erreur. Je pense qu'au contraire, on avait les forces pour le faire. Je pense que Gourvenec l'a jamais fait dans le match, même avec ses remplacements. Et je pense que lui aussi s'est dit que c'était une erreur. D'où on se pose la question, est-ce que c'est pas une erreur de pas l'avoir fait? Problème... C'est une erreur parce qu'on a fait 1-1 et qu'on dit qu'on a pu prendre 3 points. Maintenant, si on passe en 4-4-2, je suis pas sûr qu'on gagne le match. Hein. Mais à la mi-temps, je pense qu'il n'est pas sûr de pas gagner. Je pense qu'à la mi-temps, il avait l'idée de peut-être passer en 4-4-2 en disant il faut qu'on marque et tout ça. Et finalement, le but de Malcolm, alors il nous fait du bien, il marque tôt et tout ça. Mais ça le bloque en disant en 4-3-3, ça a l'air de marcher et d'aller un peu mieux. Il a presque eu raison vu qu'on a eu les occasions derrière. Et du coup, il n'avait pas passé en 4-4-2. Je pense que c'est à 60e, t'es à 1-0. Gourvenec, il dit c'est bon, je mets le 4-4-2 et on y va. Et puis, mine de rien, sur ce match-là, la vérité, c'est que t'as quand même deux joueurs au milieu de terrain que sont les Rager et Sankaré qui sont un ton en dessous de ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Sankaré, il a été malade cette semaine. Je vais aller encore plus loin. Dans le raisonnement précédent, je vais repartir sur Maxime Pungé. Je vais dire pourquoi Maxime Pungé, on lui donnerait pas sa chance au milieu de terrain. Non. Attends. Et Maxime Pungé, il est au club depuis 2010. Attends. Maxime Pungé, il a joué milieu de terrain à Nîmes. Il est nul. C'était le meilleur. Non, je suis pas d'accord. Enfin, on peut penser ce qu'on veut, mais de toute façon, il est là. Donc, autant avoir un joueur qui est là, qui est valide, l'utiliser. Oui, mais le problème, c'est que si tu. Mais la vérité, c'est que s'il n'y est pas, alors. C'est dans la période défensive qu'il a plus de difficultés. Malgré tout le respect et l'estime que j'ai pour lui, mais c'est pas un mauvais défenseur. À lui de gagner sa place aux entraînements parce qu'il est plus blessé. Ça peut être une solution offensive et très très très rapide, parfois un peu trop avec le ballon dans les pieds, mais pourquoi pas l'utiliser aussi une fois ou deux dans le couloir en offensif. Pourquoi pas Pungé, Contento, ils ont eu. Mais des pattes à c'est pas le même profil. Contento, il peut pas jouer milieu droit, débordé. Je pense pas milieu droit, milieu gauche. Pungé, il peut le faire. Il a l'explosivité pour le faire. Non, je suis désolé, il n'est pas bon. Arrêtons, c'est pas un joueur de football. Il n'est pas bon techniquement, il ne sait pas faire un contrôle, il ne sait pas faire une passe. Il serait pas là où il est si c'était pas un joueur de foot. Peut-être très vite, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est ton avis, mais c'est pas forcément la réalité. Moi, j'en peux plus. Il sait quand les derniers bons matchs de Pungé. Déjà, il faut qu'il joue. Il faudrait qu'il joue pour qu'on puisse dire quel est le bon. Eh ben, je pense grosso modo la même chose que Marc sur Pungé, mais ta réflexion, Laurent. Alors, me fait pas changer d'avis, mais je me dis, t'as raison, on a un mec, Contento, lui, on sait c'est qu'il un est des plus rapides de l'effectif. Je comprends en pas. Vitesse pure. Mais on, pour le coup, parce que Contento, il peut faire numéro 2 derrière Pelnar, t'as raison, on a un mec qu'on paye, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, on le paye, hein, Maxime Pungé, à pas jouer, mais on le paye, à s'entraîner peut-être, mais à pas jouer. Et pourquoi pas, quitte à le payer. et à pas le faire jouer, ben pourquoi pas essayer de le replacer ailleurs sur le terrain. Tu le délestes du poids défensif qui peut peut-être peser. Pourquoi pas le tenter? Franchement, j'avais pas vu le truc est-ce comme que ça mais, peut être... mais j'ai rien contre Cafu. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à Cafu. Mais est-ce que ça peut être pire que Cafu? Non, pas forcément. T'as un avis sur ça, José? Ah, il a raccroché. Ah, il est là. J'espère. Allô? Non, je l'ai. Mais après on parle d'un, on cherche un arrière gauche. Je vous rappelle, on a parlé de Gaëtan Laborde s'il pouvait revenir en tant que milieu gauche plutôt. Gaëtan Laborde à Clermont c'était bon, voire très bon, et il a le profil pour. Il percute et tout ça, défensivement il fera les efforts. Et Adrien, j'ai cru que t'allais me reparler de Sagnol qui avait fait jouer Gaëtan Laborde latéral gauche, disant pourquoi pas le retenter. Non, mais le milieu gauche est de retour. Non mais milieu gauche Gaëtan Laborde c'est possible. Oui, mais non. Ah, si, clairement, il a joué milieu gauche. Après, tu sais, Marc nous parle de Maxime Pouget qu'il n'aime pas ou d'Eco Cantanto, mais est-ce que vraiment on ne devrait pas se poser la question sur Théo Pelnard aussi? Parce que est-ce que vraiment il a la place dans le 11 là, en ce moment même? Sur le match hier, il fait un match moyen. Ah, il a des difficultés. Il a beaucoup progressé. Il doit encore progresser. Il y a quand même des difficultés. Pelnard, il a quand même, on en parlait la dernière fois. Pelnard, il a progressé, on est d'accord. L'histoire est quand même pas dégueulasse. Le mec, il commence le début de saison, il est 3e latéral gauche, 4e défenseur central, et il se retrouve titulaire. Je dis pas le contraire. Maintenant, est-ce qu'il est pas là par défaut? Et en ce moment, peut-être. Voilà, sur le dernier match, là, je l'ai trouvé très moyen. Le problème, c'est que le dernier match, c'est peut-être, depuis le début de saison, le seul mauvais match de Théo Pelnard. Oui, c'est ça. Tu trouvais que Levchuk avait plus à porter à droite que Théo Pelnard? Oui, non, mais hier. Mais après, il a mal comme Levchuk. Le jeu penche à droite, forcément. Même sans ça, hier, il a pas été bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, depuis le début de l'année, il a pas raté un seul match. Et sur beaucoup de matchs, que ce soit Toulouse, que ce soit Lille, il fait partie des meilleurs joueurs. Vada et Penalva en studio. On a même reparlé des matchs de Pelnard. Ils sont tous unanimes pour dire que les matchs de Pelnard, c'était pas des matchs où on brillait. Il a progressé, c'est évident. Mais là, j'ai l'impression qu'il a atteint son maxi. Il a juste fait un match impuissant dans un match où l'équipe et où les joueurs qui étaient sur son côté. Sankaré qui fait un Sankaré, très mauvais match. Kamano, très mauvais match. C'est un peu difficile dans ce contexte-là pour le défenseur de s'exprimer offensivement. Après, il a eu un déchet technique qui est anormal. Je le trouve limité quand même. Même si je l'apprécie beaucoup, le CTO, mais je le trouve un peu limité ces derniers temps. Après, oui, bon, on est qu'à la 9e journée aussi. Allez savoir, peut-être qu'il va. Déjà, rien qu'en 9 journées, on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il faut qu'on gagne à Amiens pour rattraper. Moi, ce qui me dérange, parce qu'il est bientôt 22h, il est 22h56 même, donc on va pas trop traîner pour finir à l'heure quand même. Autant on a commencé en retard, autant on va essayer. Surtout qu'on a perdu Laurent, il lit le livre maintenant. On a perdu Laurent. Il se souvient plus de ce qu'on a écrit. On a Laurent et Gabi qui sont dans une discussion. Dans une discussion passionnée devant le bouquin. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, j'avais une question pour toi, José, mais je m'en rappelle plus. Ça va revenir. Oui, vendredi, on disait dans l'avant-match que ça serait bien de prendre 3 points face à Nantes parce que derrière, on va à Amiens. Alors, même si c'est que Amiens, on rigole. Ouais, c'est on Amiens. Va au Havre. Oui, vous trompez pas si vous faites le déplacement, calez pas le GPS sur Amiens hein, parce que vous verrez rien. On va à Amiens, tout le monde rigole. Ah, Amiens, on rigole. On rigolera samedi, on verra. Ça va pas être si simple que ça. Derrière, t'as Monaco. Derrière, t'as Marseille qui va arriver. Rennes, il va falloir aller à Rennes. Rennes qui aura sûrement un nouvel entraîneur, un nouveau président. À mon avis, ça sera pas la même limonade. Et on va se taper Saint-Étienne. Bon, ok, moi je veux bien. Mais je comptais, moi, prendre au moins 4 points là sur les deux matchs qui arrivent. Je dis pas que c'est plus faisable, c'est encore faisable. Mais je vois pas où derrière les points on peut aller les chercher. Il faut que sur les deux prochains matchs, il faut 2 victoires. Après, les Amiennois jouent à l'extérieur aussi. Alors, Amiens joue à l'extérieur. Ça peut compter. Mine de rien. Ils connaissent pas le stade, comme Bordeaux ne connaît pas le stade. Pour moi, ça va être neutre, hein, ce match-là. C'est ça. Donc, j'allais dire. Ambiance un peu neutre, même s'ils seront plus pour les Amiennois, puisque c'est plus près quand même. Ouais, apparemment, il va y avoir pas mal de déplacements de supporters bordelais. Donc, ils auront peut-être moins de supporters. Ils auront pas leur repère dans le stade. Non, pour moi, c'est vraiment. Enfin, on peut pas dire. Amiens ne joue pas à domicile sur ce match-là. Donc, on a des chances d'avoir au moins ce petit facteur-là avec nous. Oui, puis on aura d'autant moins d'excuses que... Enfin, là, c'est pareil, hein. Tu vas au Havre, c'est bon, faut pas... Ça va, c'est bon, c'est le stade du Havre, c'est un beau stade de Ligue 2, c'est pas le petit stade pourri de... Ça pourrait être un très beau stade de Ligue 1, quand même, hein. Il est neuf, le stade, donc... Voilà, ça c'était. Heureusement, tu vois. Et là, heureusement qu'il n'avait pas de micro, c'est bien. Mais... Ouais, et là, t'es content des fois quand tu dis, il n'a pas de micro. Et c'est quand même pas plus mal. José, 22h58, avant de se quitter et de terminer l'émission, est-ce que t'as une dernière chose à dire, que ça soit sur le match, sur ce que tu veux, sur n'importe quoi? Je veux passer une dédicace, c'est possible? Eh ben, vas-y, mon grand, fais-toi plaisir. Parce que je suis écouté par mon club de foot, le SPUC APSA, qui m'écoute. Donc, dédicace. En tout cas, moi, je vous félicite pour votre radio. Et continuer comme ça, et puis ce qui serait bien, c'est un jour, pourquoi pas venir en direct à l'antenne pour parler. Eh ben, c'est fait pour la radio générale. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne soirée, puis à bientôt pour le prochain match, et puis moi personnellement, Amiens, je vous annule, voilà. Pas de souci, ça marche. Et eh ben de toute façon, on fera l'avant-match. C'est quand Amiens? Vendredi, on fera l'avant-match. Samedi. Non, c'est Monaco samedi. Samedi, non, c'est Amiens. Oh là, je suis perdu. Avant-match vendredi soir de Amiens Bordeaux. Merci beaucoup, Roger. Et merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Et qu'est-ce que t'as dit? Saucisse, toi? La bise. Ah, José, oh là là là là, humour M6. Oh là, c'est corporate. Bien. Messieurs, il est 22h59. Quelqu'un peut m'expliquer la vanne? Ouais, en fait, il y a une série ménage pourrie sur M6. Ah oui, moi j'ai pas la télé, les gars. Ouais, non mais quand même, tu l'aurais, regarde sinon, pas. T'as José Garcia. Non, c'est de la merde. Pardon, excusez-moi, monsieur de Taverneau. Il va te virer, ah mais non. Bien, messieurs, 23h, je pense que... Il est grand temps. Peut-être pas phrase de fin direct, on rappelle le livre où acheter tout ça, on fait ça bien. Voilà. Il va falloir qu'on cale une vraie interview de notre cher Gabi, hein, parce qu'il y a moyen de faire indoor. Une belle interview là-dessus. Ouais, c'était prévu, enfin, s'il est d'accord, évidemment. S'il est d'accord, évidemment, Gabi. Hein. Bon, on décalera l'horaire. Il est tard pour lui. Non, mais ça serait... Alors, pour être parfaitement honnête, quand je t'ai vu à la présentation du livre de Laurent et Julien, je voulais venir te voir pour te proposer de venir faire une émission avec nous, une interview en studio. Et tu as disparu dans les méandres de l'escure. Je n'ai avec pas grand eu le temps plaisir, de, te, avec grand plaisir, hein. De te demander. Non, mais moi, tu connais l'adresse maintenant, on est bien reçu, on boit. Ah, oh, bah, il n'y a pas de souci, si tu veux monsieur, ramener Laurent avec toi, Julien, tout le monde. Remarquable. On fera. Alors, avant de terminer, bon, c'est. Nous avons discuté un petit peu avec Julien et Laurent et on s'inquiète pour Philippe Lucas. J'espère que ça va bien pour lui. Ouais. J'allais placer Laurent, un mot. T'as des nouvelles ou Julien? Non, pas de nouvelles. J'allais placer un mot. J'avais appelé. Comment s'appelle-t-il, l'entraîneur de. Mon ami. Quelle équipe? Des Girondins. J'ai demandé des nouvelles à. Jean-Luc Dogon? À Jean-Luc Dogon, il m'a dit que bon, c'était relativement grave. Et... Ah, bah, bon, on espère. J'espère que tout va bien, parce que bon, c'est un type qui mérite, c'est un garçon exceptionnel. Vraiment adorable, un super joueur, on se souvient vraiment de lui. Hein, il a marqué vraiment le club également. Dans les années 90, notamment. De son esprit, vraiment très très. Voilà, mais écoute, on espère qu'il va. J'allais justement en placer un petit mot sur la fin, t'as bien fait, Gabi. Et puis on espère qu'il va vite se rétablir. Et puis on pense aussi à sa famille. Évidemment. Et en espérant qu'il revienne vite, si ce n'est sur un terrain, mais au moins en pleine forme. Dans les tribunes. Déjà, ça sera déjà bien, le pauvre. Sur quoi je voulais finir? Oui, messieurs, donc, le bouquin. Mmh. Une page. Qu'il est... On peut le alors, trouver. C'est un bouquin qui parle du parc Lescure. Non, alors, en fait, avec Laurent, qui êtes-vous on là, a écrit 600 pages. Non, mais ça représente à peu près 1 million de signes. Mais alors, j'ai envie de vous dire, quand on a des idées comme ça, pas pourquoi on commence. On se dit, comment je vais y arriver. On repart, hein, fais gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la canon, on se pose autour d'un lac. Non, quand c'est fini, vous faites quoi? On continue. Non, non, non, mais quand le livre est publié, ça y est, on va voir. Vous allez voir. On se sépare. Il y a une grosse période de stress en fait. Parce on que, divorce. D'abord, quand on l'auto-édite, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, on est tombé sur un imprimeur super. Voilà, bon. Mais il y a toujours le stress de se dire, est-ce que ça va marcher? D'abord, est-ce qu'on va pouvoir finaliser le produit? Est-ce qu'on va pouvoir le finaliser tel qu'on le souhaite? Est-ce qu'il n'y a pas de coquille déjà? Est-ce qu'il n'y a pas de coquille? Ça, c'est terrible. Il y en a toujours, parce que dans tous les livres, il y en a. On a beau revérifier, on est 10 personnes en comité de relecture. C'est comme ça. Bon, le tout, c'est de limiter ça. Est-ce que ça va plaire aux gens aussi? Est-ce que les gens vont adhérer au projet global, à chaque livre ou chaque chapitre? Voilà, est-ce que les gens vont vibrer? Est-ce qu'ils vont apprendre des choses? Est-ce qu'on est capable de faire passer nos messages? Parce qu'on est des passeurs de mémoire quelque part. Voilà, est-ce que justement il y a toutes ces questions là, est-ce qu'il va être bien distribué? Quand on auto-édite, on s'en occupe tout seul, Julien et moi, tous les deux. On a pris le bâton de pèlerin, démarché les médias, démarché les radios, les librairies, enfin, les influenceurs du net. Enfin, c'est compliqué, quoi. Il faut prendre son bâton de pèlerin. Là, il y a un réseau de distribution avec Sud-Ouest Édition, qui est quand même important. Mais il y a toujours. Alors, on a un côté où on est soulagé. Et moi, j'ai même eu. Enfin, je sais pas, je laisserai Julien parler, mais il y a un moment où j'ai même plus envie de l'ouvrir, le livre. Je me suis dit, ah, ça y est, il est fini, j'ouvre plus, parce que si jamais je vois un truc qui va pas, une image de travers, une coquille, je vais péter un câble. Sentiment. Donc tu passes aussi par ces phases-là, mais il y a quand même une grande fierté, mais une fierté respectueuse, pas une fierté de frimeur, quoi, hein, de se dire, ouais, on a quand même fait un travail considérable, on espère qu'il plaira, mais on est soulagé d'avoir mis au monde ce truc-là, se dire, bon, allez, maintenant on passe à autre chose. Voilà. Au prochain. Vas-y, hein, Julien, parce que j'ai non, mais c'est le sentiment est partagé. Ce livre, c'est vrai, voilà, tu l'as dit, c'est pour passer la mémoire des Girondins de Bordeaux et faire en sorte que cette mémoire elle reste, et elle est gravée dans le marbre grâce à ce livre-là. Donc et dans les prochains aussi, même si là c'est vrai que c'est vraiment concentré sur les Girondins. Donc le conseil que je peux donner, c'est tout simplement de l'acheter. Et puis voilà, si vous aimez les Girondins de Bordeaux, vous avez une grande part de l'histoire du club. Il y en aura d'autres encore, mais là vous avez quand même de quoi faire et de quoi lire et apprendre sur l'histoire de votre club. Donc vous avez pas mis encore une grosse chouille Alors, une chouille ou une chetouille, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'un peut venir après. Laurent, plus jeune, il en a attrapé des chouilles. Mais il est 23 ans passé. Non, mais si, par contre, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on va aller remercier. On en parlait tout à l'heure, les familles espagnoles ou qui sont dans le Pays Basque français aussi. On va aller les voir. Ces familles-là, les descendants des joueurs dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas pu venir à la présentation du livre. Donc, il est convenu qu'on aille leur rendre visite avec un représentant des Girondins de Bordeaux. Aussi, on va y aller et je pense qu'on va goûter ou la bière ou le cidre local, parce que je vais juste faire une petite parenthèse. Quand on est allé collecter les renseignements, les documents, on avait rendez-vous notamment avec la famille Anticidor. Nous sommes passés prendre Mireille Urtizberea à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes partis ensemble. Julien conduisait sans avoir de permis et nous sommes allés à Irun. Non, c'est pas vrai. À Irun, et on s'attendait à voir 2-3 personnes. En fait, il y avait toute la famille. Ils étaient 20. Ils étaient 20, et dans la semaine qui a suivi, on a eu un article dans le journal. Ils nous ont ouvert leur Peña. Ont ouvert la Peña, un endroit où les joueurs, une fois qu'ils revenaient de Bordeaux après les matchs dans leur famille, c'était exclusivement réservé aux hommes. Donc c'est un endroit, parce qu'il faut savoir que dans la famille, il y a de grands sportifs. Il y en a un qui est entraîneur de rugby de Mademoiselle. Non, de tennis. L'ex-entraîneur de Muguruza. Il y en a un autre qui est dans le cyclisme, je crois. Enfin voilà. T'as gagné Roland Garros. Voilà. Tout à fait. Donc ils ont une sorte de peña de bar qui était réservée aux hommes à l'époque. Ils nous l'ont ouvert avec tous les portraits, les photos au mur. Ça collait vraiment à notre truc. C'était hyper émouvant. Ils nous ont chanté des chansons aussi que leur père ou grand-père chantait en rentrant de Bordeaux. OM. Non, pas parce qu'il y avait un peu de rivalité, mais pas trop. Pas à encore. Non, pas Marseille encore. Était nettement au-dessus à l'époque. Ah, oui. Gros club français. Oui. Et donc pour ça, on va aller leur amener le livre. Je pense que toute la famille, ça sera a priori début novembre. Toute la famille devrait être là. On traduit pas par vos soins. Dans la presse. Traduit par vos soins. Ouais, ils parlent très bien français. Ouais. Ils ont la fibre Girondins de Bordeaux. Attention, parce qu'on a été surpris de voir ça. Évidemment, ils supportent la Real Sociedad, peut-être l'Athletic Bilbao pour certains. Je sais pas. La Real Sociedad, c'est Real sûr. Real Sociedad, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a d'autres clubs dans Oscar, leur vie. Oscar est fan des Girondins de Bordeaux. Ouais. Et chaque fois qu'on s'envoie un mail, il y a marqué Allez Bordeaux en bas. Mais il y a pas mal de connexions entre supporters de Bilbao, de la Real Sociedad et des Girondins. Et là, il y a une vraie histoire. Ouais. Donc on va leur présenter. Je pense qu'on va boire quelques calices. Ça annonce. Là, c'est vraiment le point. Vraiment, c'est le point d'orgue en fait. De leur faire On a voilà, bu quelques apéros. C'est un peu l'aboutissement. L'aboutissement, le grand-père, d'accord. Il est en couverture, il a son portrait, etc. Donc pour eux, ça va être énorme. Et pour peut-être à la fin des quatre livres, pour répondre à la question initiale, on n'a pas encore fêté ça. On s'est fait quelques petits repas, mais dans lesquels on parle. Pour les boulots, quoi. Boulot tout le temps. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on va faire des quatre livres, oui, on va. Voilà. Parce que là, voilà. Du coup, on est déjà dans la préparation du prochain. Donc, même dans la finition du prochain. Ouais, dans en la fait, finition. Plus mais... que préparé, quoi. Voilà, là, on va bientôt partir en séance d'archives. Théoriquement, il est prévu pour les 80 ans du stade dans sa configuration actuelle. Ça serait juin. Mais c'est pas très intéressant de sortir un livre en juin. Nous, on avait sorti le premier au mois de mai parce que c'était aussi l'occasion, le Bordeaux-Marseille. Il y avait un large chapitre sur la rivalité. Mais ça devrait. On n'a pas défini le planning, mais ça devrait être pareil à la rentrée 2018. Quoi, voilà. Mais donc après, peut-être qu'on boira. Pour être complet, les points de vente, c'est les mêmes que pour le premier. Donc on peut en alors, gros, il y a beaucoup plus. Vas-y, Julien. Il y avait Mola pour être connu. Voilà, toutes les grandes librairies déjà de Bordeaux et de Gironde sont à prévision. La Fnac ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. La Fnac, même au niveau Cultura, national, je précise. Parce même que... au niveau national. Ouais. Si Eric est à New York et qu'il veut le commander depuis New York, il tape sur Internet, il l'aura. Oui, parce que vous pouvez aller sur. Sur le... L'autre, on peut. Mais l'autre, par c'est notre sur, par notre site internet. Scapulier.fr. Voilà. Scapulier. Oui, pas Scapulier. Scapulier.fr. Et donc, on le trouve, oui, même Amazon. Les ventes du premier livre. En fait, c'est le premier livre. On l'a entièrement vendu. On a tout vendu, quoi. Mais ça représente combien? Bah, il y avait 1000 exemplaires. 1000 exemplaires, en gros. Oui, alors, hormis une centaine. Prévu pour la promotion, les remerciements, il nous reste quoi? Et celui-là, il nous reste trois cartons celui-là, de 15. Celui-là, la première édition de celui-là voilà. A été faite à 3000 et on a appris qu'il y en avait quasiment déjà plus. Voilà. Ouais. Donc, il est sorti il y a 3 semaines. Hein. Sorti il y a 3 semaines. Alors, on fait pas les fanfarons, on est juste content. mais le premier livre, il reste quoi? 40-50 exemplaires. Donc, si vous voulez, c'est encore possible. Mais il faut faire, Mola, on a recommandé 20 il y a 2 jours. Ouais, vous allez rééditer, comment ça se passe? Parce que éditer 20, ça coûte pas le même prix que dans les pour l'instant, livres, on n'est pas parti sur une réédition, on verra. Mais c'est vrai que pour les derniers qui voudraient être servis, il faut vraiment faire vite. C'est pas pour mettre la pression. Il en reste 50. La réédition, quoi. Si tu veux, le premier livre, il s'est bien vendu sur les 4-5 mois. Il s'est vendu au fil de l'eau, nickel, quoi. Super. Si vraiment on avait, au bout de 2 semaines, on en avait plus, oui, je t'aurais dit, il faut vraiment le rééditer. Il y a une grosse demande. Là, c'est nickel. Là, c'est bien. Je pense que le premier, en plus, il va devenir collector, c'est parfait. Celui-là, en revanche, on est déjà en train de pousser Sud-Ouest pour dire, oh les gars, si on n'a plus là maintenant, il faut vite en rééditer. Parce que mais là, c'est ça veut un cadeau de Noël aussi. Mais oui, il y a Noël qui approche. Pour information, lors de la journée, la saga des Ultras, c'était le 9 juin, on avait gentiment été 10 invité. 10 juin. 10 juin. Gentiment été invité à l'Escure par les Ultras, qu'on remercie encore. Ils nous avaient mis une table à disposition, on a vendu le livre, on a vendu quasiment 70-72 en 2 heures ou en 3 heures. C'était à Londres. Voilà, les gens on sont venus. Sous, ouais, on a un peu transpiré, mais il y a eu un engouement, et tant mieux. Mais c'est vrai que tous ces livres sont complémentaires, parce qu'en fait, ce sont différents chapitres à la base qui se sont transformés en livre et effectivement, tout cas, on remercie tous les gens qui nous font confiance. Non mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez l'œuvre complète, il faut acheter les 4. C'est une saga, les supporters, c'est une anthologie de l'Escure des Girondins. C'est pour nous, on appelle ça une anthologie. Ça n'a jamais été fait et que je disais tout à l'heure que c'est une œuvre présomptueuse mais faite avec grande humilité parce que c'est le cas et tout se complète en fait. Attends, pour Marc, t'as mis présomptueuse et humilité. Hein, et anthologie, c'est anthologie. C'est pas antinomique. C'est très liturgique tout ça. Antinomique Jaeger. Non. Ouais, bon, t'es Marc, je crois. Bon, mais c'est quoi? du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec ces, bêtises. Oui, on va conclure donc. On avait dit oui les points de vente. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Et puis toujours internet. Et tu le gères comment les micro-siestes alors? on peut rappeler Cultura, la Fnac, Mola, et puis les éditions Sud-Ouest par internet. Centre culturel, galerie Leclerc aussi. Non mais franchement, si on n'habite pas sur Bordeaux, on peut le trouver sur internet très facilement. Oui, moi j'y arrive donc. Bah voilà. Rico y arrive. Merci à vous. Merci à vous. Laurent, merci. Monsieur, Gabi, remets ton dentier, s'il te plaît. Merci. On espère t'avoir prochainement. Tu sais, le gars qui met pas du tout la pression. On espère t'avoir bientôt dans une émission qui te sera entièrement consacrée. Avec plaisir. En intégralité. Encore félicitations. Et merci pour la surprise, parce que cette œuvre sur les Girondins, franchement, c'est exceptionnel. Hein. Merci, Gabi. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, enfin d'avoir jouer le truc avec Laurent pour nous parce que ça nous fait vraiment plaisir. On savait pas du tout que t'allais venir et c'est un plaisir. À très bientôt. Alors. Immense. Merci Gabi. Merci Laurent. Merci Julien. Merci. On vous retrouve dans 5 mois pour la sortie de l'épisode 3, la revanche non, de l'escure. Non, il faut nous laisser respirer. La revanche de l'escure. L'escure contre-attaque. L'escure contre-attaque, ça l'escure sera le prochain. L'escure contre-attaque. Tu sais, t'as l'escure idiot MacMut, je suis ton père. Voilà, on a perdu Laurent, c'est réglé. Parfait, on va se quitter là-dessus. Nous, on se retrouve vendredi, 21h-23h, RIG90.7FM, RIGFM.fr. Ça sera Marc qui prendra le contrôle de cette émission. Oh, mon petit. Oh, bah, vous êtes pas dans la merde, hein. Ah bah, vu l'état dans lequel je vais me mettre, il vaut mieux que ça soit lui qui la fasse, ouais, l'émission. C'est les 30 ans d'un ami, ça va. Ça va être genre, t'as des amis, toi, gros mytho. Ouais, ouais. Ça va être bien. J'ai compris, c'est les 30 ans de ma mamie. Non, mais je dis ça pour faire changer une vie sociale. En fait, je vais rester tout seul chez moi. Voilà, vendredi. Comme Adrien, regardez les matchs de Ligue 2. Comme Adrien, je regarderai Châteauroux, clairement. Calme, hein. Quand il fait ça, il a un foulard autour du cou et il part faire les scouts après. Non, non, non, mais attendez, moi je suis Bernardoni, alors bon, voilà, qui ça fait, c'est qui fait c'est une excellente, qui fait un excellent début de saison, clairement. Qui a fait une magnifique parade contre Mateta, voilà. Allez, oh oui, on va terminer. Donc vendredi, 21h-23h, avant match d'Amiens. Et puis on parlera de plein de choses. Au Havre. Au Havre. Et puis on parlera de, je sais pas, on trouvera un programme d'ici là. Allez. Pour finir, parce que on a parlé de Zidane qui a refusé de venir. Non mais attends, parce que tu l'as très mal raconté tout à l'heure. Il s'est excusé. Attends, je vais la raconter là, mec. Il a envoyé un mot. Juste avant, en fait, on a fait une présentation du livre à l'Escure le 7 octobre. Et bien sûr, on a invité la plupart des légendes qui sont dans le livre, ce qui était normal. On a eu énormément de familles qui sont déplacées, etc. Dont notamment Guillas et Ramé qui sont venus. Et on avait évidemment invité Zinedine Zidane par la voix de son secrétariat, donc qu'on a réussi à joindre grâce à notre ami Pierrot Labatte qui est venu aussi le 7 octobre. Et on a reçu un petit mot d'excuse de Zinedine Zidane nous disant « Désolé, je ne pourrai pas être là puisque je suis déjà engagé ailleurs. » Merci à messieurs Julien B. et Laurent Brun pour l'invitation. Merci à monsieur B. Et vraiment, en fait, il était où, le Zizou? Et en fait, il était au concert de Jul, les gars. Autant vous dire qu'on a vu une photo le lendemain en train de faire le signe de Jul. Je ne sais pas quoi en faire. C'est inadmissible. Zizou, il était déjà pris sur un événement à ce moment-là. Ah oui, quel événement. Quel événement de merde, surtout. Putain, en plus, je l'imagine, il a dû taper. On est un peu frustré, quoi. Pardon Julien, excusez-moi, je peux pas venir. Je suis prêt à un événement. Putain, l'autre est allé chez vous. Je peux pas venir parce que je vais au concert de Jul. Pour conclure là-dessus, si on me demandait de choisir entre écouter le dernier Jul et me fourrer un Playmobil dans le cul, je répondrais pas celui avec l'épée. Voilà. On peut finir là-dessus. Et je crois qu'après avoir entendu ça, on peut mourir tranquille. Allez. Il y a des gens qui travaillent demain. Merci beaucoup messieurs, merci Julien, merci Laurent, merci Gabi, merci Adrien, merci Rico qui va prendre le bus dans quelques instants pour rentrer chez lui. Qui va faire un déplacement. Voyage. Et merci Phyllis. Eh ben, je crois qu'on peut partir là, on est pas mal. Allez, rendez-vous vendredi 21h-23h en direct sur RIG dans Girondin. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et allez Bordeaux. Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Girondanalyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans Girondin.